vous aider, vos nouveaux amis. On se multiplie et remplit d'énergie, nous combattons vos ennemis. Présent, nous répondons à un appel de vous et nous accourons à vos ordres, prêts à obéir. Nous sommes les Pikmin pour vous servir. Sur notre petite étoile étrange, peuplée de milliers de créatures souvent hostiles. Sur les chemins, quand on met une main dans la main, le temps ne compte plus sur cette planète jusqu'alors.